1914-1915. Ken et Sarich. J'ai rencontré à A coco, 50% rap, 50% coco. Oui, alors aujourd'hui je reçois un groupe qui pratique le rap savoyard, Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, t'as vu, on est là, on représente, marmotte infernale, profanation fautue, c'est super, youpi. Tac, bam, bam, bim, bam, boum, riki, cri, croc, croc, chirouji, pour les billes, tac, tac, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oui, alors, Fatal, votre album s'appelle T'as vu. Ouais, on cherchait le titre de l'album avec mes sauces, t'as vu. Alors on s'est concerté, t'as vu, je leur ai demandé comment on l'appelle l'album, t'as vu. Alors, t'as vu, t'as vu. Ouais, t'as vu. T'as vu. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, sa voix ou bien t'as vu, t'as vu, qui ça, t'as vu, t'as vu, Fatal Bazooka, t'as vu,